Exercice 4, page 76. Citer, mimer, crier, trier. Lesquels ? Répète. Échec, sévère. Éviter, éditer, épicer, mériter. Libérer, digérer, Pyrénées, illettré. Légèreté, réserver, s'énerver, émerger. Liberté, disserter, immerger, disperser.